الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc Cheikh Ubayd il dit قال المحل قال donc aujourd'hui c'est le cours 33 dans le cours de الأصول الثلاثة le شرح de Cheikh Ubayd al-Jabiri حفظه الله تعالى. Et le Cheikh Ubayd il dit وقال المصنف رحمه الله تعالى الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل وعليه وعلى نبينا أفضل السلام أفضل الصلاة والسلام. Donc Cheikh Ubayd il dit que l'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit le troisième fondement, c'est de connaître votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il est Mohammed, le fils de Abdullah, le fils de Abdul Muttalib, le fils de Hashim. Et Hashim est de la tribu de Quraysh, et Quraysh fait partie des Arabes, les tribus arabes. Et les Arabes sont les descendants de Ismaïl, le fils d'Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam. Et donc il dit Cheikh Ubayd en expliquant ce point là premièrement, ma'rifatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam tatadammanu shay'ayn ahaduhuma ma'rifatu nasabihi wa annahu khulasatu bal khulasatu al-khulasah wa yadullu li hadha as-siyaq alladhi bayna aydina fi al-kitab وما رواه مسلم في صحيحه عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ذرية أو من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى هاشما من قريش واصطفاني من بني هاشم هذه خلاصة نسبه صلى الله عليه وسلم وهي خلاصة الخلاصة وقد عرفنا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يبعث رسولا بلسان قومه ويبعث من القوم أشرفهم نسبا وأنبلهم خلقا وأزكاهم نفسا وهذه متوفرة في محمد صلى الله عليه وسلم وهذا أحد الشيئين وأما الشيء الآخر فمنزلة معرفته صلى الله عليه وسلم من دين الله فإن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة بالنص وبإجماع المسلمين. Donc le cheikh il commence en disant que la connaissance du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم ça comprend deux choses. La première, de connaître sa lignée, sa généalogie, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est yani disons de la crème de la crème de sa généalogie, et c'est ce qui est indiqué par ce que nous possédons dans nos mains dans le livre de l'imam muslim, et qu'est-ce qu'il a rapporté dans son sahih selon Wathila ibn al-Asqa radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a choisi Kinana des enfants de Ismaïl. Donc des enfants de Ismaïl, il a choisi Kinana. Et il a choisi Quraysh parmi les enfants de Kinana. Et il a choisi parmi Quraysh la famille de Hashim. Et il m'a choisi moi parmi les enfants de Hashim. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la crème de la crème dans sa généalogie. Et il dit, on a su la sagesse d'Allah dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il envoie un messager, il l'envoie avec la langue de son peuple. Et il choisit parmi les gens de ce peuple le plus noble en généalogie et le plus noble en comportement et le plus pur en âme, et toutes ces caractéristiques sont présentes chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne la deuxième chose, eh bien le cheikh il dit que c'est le degré du fait de connaître le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la religion d'Allah, et de connaître que c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il est un messager d'Allah. Et ça, c'est établi par les textes du Coran et par la Sunna, et également le consensus des musulmans. Le point numéro 3, ou bien plutôt le point suivant. قال المصنف رحمه الله وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا ورسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. Donc le Cheikh Ubayd rahimahullah, hafizahullah, il dit que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit que il avait 63 ans, il a vécu 63 ans, il est mort à 63 ans sallallahu alayhi wa sallam, 40 ans de sa vie avant la prophétie et 23 ans en tant que prophète et messager. Il est devenu prophète par la révélation de Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq, et il a été envoyé comme messager par la révélation du verset Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Hein? Et donc le Cheikh Ubayd, il explique ici, il dit wa hadha ma'na nubbi'a bi iqra, yani awwal al wahy 'ala al sahih nuzul iqra wa qad nazala 'alayhi awwal ma nazala minha اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه توطئة وتمهيد بداية الوحي إذ جاءه الملك فضمه ثلاثا يغطيه ويرسله ويقول له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ أي لا أعرف شيئا. ثم بثالثة قال له الآيات فذهب صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها وهي زوجه الأمينة الشريفة البرة وأخبرها خبره وما وجده وهو يرتجف صلى الله عليه وسلم خائفا فوجأ بما لا يعرف وما لا يعهد إذ فوجئ بما لا يعرف وما لم يعهد. Donc il dit que la signification ici nubbi'a, c'est-à-dire il est devenu prophète, nabi, il est devenu un nabi par la révélation de Iqra. C'était au début de la révélation, hein, c'est la première chose qui lui a été révélée selon qu'est-ce qui est authentique. Et ce sont les versets de Surat Al-Alaq, le verset 1 à 5. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, récite, hein, selon le nom de ton, par le nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqa l'insana min alaq, il a créé l'homme à partir d'une adhérence. اقرأ وربك الأكرم, hein, récite, et ton Seigneur est le plus noble. الذي علم بالقلم, celui qui a enseigné avec la plume. علم الإنسان ما لم يعلم, il a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc ça, c'était une introduction, hein, par rapport au début de la révélation. Et l'ange lui est venu, c'est-à-dire Jibril, et il l'a serré trois fois. Hein, il l'a pris, il le serre trois fois et il le relâche. Et entre chaque fois, il lui dit récite, lis, iqra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond en disant ma ana biqari, hein, je sais pas lire. Et la troisième fois, il l'a serré contre lui puis il l'a lâché. Il a dit iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram. Il est donc parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti donc vers sa femme Khadija, son épouse noble, hein, et pieuse, et il l'a informé de ce que l'ange lui avait dit. et elle l'a trouvé en train de trembler, effrayé, hein, parce qu'il avait été surpris par ce qu'il ne connaissait pas et ce qu'il n'avait pas, ce qu'il n'avait jamais vu auparavant. Wa kana qad hubbiba ilayhi qabla dhalika al-khala wa kana yadhhabu ila ghar Hira wa yakhlu al-layali yata'abbad wa yatahannath wa yatazawwad lidhalik min zawjihi Khadija radiyallahu anha bima yahtajuhu min az-zad فطمنته وسكنت روعه ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان يكتب الإنجيل بالعبرانية قالت له يا عم اسمع من ابن أخيك وهذه عادة العرب يقولون للكبير يا عم فأخذ خبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا كما كان ينزل على موسى الحديث. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم auparavant il aimait rester seul, s'isoler, aller dans la caverne de Hira et adorer Allah et rester seul pendant les nuits, pendant les journées, et il ramenait avec lui des provisions que sa femme Khadija radiallahu anha lui avait préparé et qu'est-ce qu'il avait besoin. Et lorsqu'il est venu voir donc sa femme effrayée de cette façon, elle l'a rassuré et elle l'a calmé, hein. Puis elle est partie, elle a dit allons voir mon oncle, hein, allons voir mon cousin, hein, Waraqat ibn Nawfil. Et donc quand il est rentré, elle a dit ya am, elle l'a appelé am parce que il est plus âgé par respect. Elle a dit écoute ton cousin ce qu'il a à dire. Et ça, c'est une habitude, le cheikh dit c'est une habitude chez les Arabes que la personne plus âgée on l'appelle am, hein, oncle. Et il a informé donc il a donné donc l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il a pris l'information du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu et lui a dit qu'est-ce qui lui est arrivé. Et puis après, à ce moment-là, Waraqa ibn Nawfil, il a dit tu as reçu la même chose. Il dit ça, ce que tu as reçu, c'est ce qui a été révélé à Moussa alayhi salam. Et ça, c'est la même chose que ce qui a été révélé à Moussa alayhi salam. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans les Sahih. قال المصنف رحمه الله تعالى وبلده مكة وهاجر إلى المدينة وبعثه الله بالنظارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Donc le Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, Cheikh Ubaid dit, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit ensuite, et son pays c'était Mecca, c'est-à-dire il est né à Mecca. Et ensuite il a fait la hijra à Médine. Allah l'a envoyé avec l'avertissement contre le shirk et le fait d'inviter au tawhid. Et la preuve de ça, c'est le verset 1 à 7 dans Surat Al-Muddathir. Et donc le Cheikh, il cite ces versets-là dans Ya Ayyuha Al-Muddathir. Al-Muddathir, c'est celui qui était couvert, hein, celui qui était couvert d'un vêtement. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il était effrayé, il a dit à sa femme Dathiruni, Dathiruni, hein, couvre-moi. Donc elle l'a recouvert d'un manteau. Et dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit ce qui signifie ô Muhammad, hein, ô toi, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, hein, et de tout péché écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur endure. Donc ça, c'est les premiers versets dans Surat Al-Muddathir. Le Cheikh il explique ça, il dit وبعدما أنزل عليه آيات من سورة اقرأ وحدث له ما حدث فترى عليه الوحي زمنا، ثم عاد بهذه الآيات وبها يعني تحمل صلى الله عليه وسلم ما أعده له ربه وهيأه له، وذلكم هو الإنذار من الشرك والتخويف منه والدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فبدأ دعوته سرا صلى الله عليه وسلم يعلم ويخبر ويدعو من يثق به من خواصه ومعارفه من الأقارب وغيرهم، ويقول المؤرخون إنه مضى على ذلك 3 سنين حتى نزل عليه قوله تعالى فاصدع بما تؤمر. فإذا المرحلة الأولى من مراحل الدعوة هي الفترة المكية وهي السرية، في الفترة المكية وهي السرية الدعوة سرا وهذه 3 سنين. والمرحلة الثانية، donc on va commencer par la l'exemple ici. Le cheikh il explique que après que le messager a reçu la révélation de Iqra sourate al-Alaq, et qui est arrivé ce qui est arrivé par la suite, puis il y a eu une période sans révélation pendant un petit bout de temps, pendant quelques temps il n'y a pas eu de révélation, puis les versets ont été révélés encore une fois, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé dans ses versets de partir et d'avertir, c'est-à-dire de se lever et d'avertir contre le shirk et d'effrayer les gens, de leur faire peur à propos du shirk et d'inviter les gens au tawhid et à l'unicité d'Allah. Il a donc commencé sa da'wa en secret. Et il informait les gens en qui il avait confiance et les gens qui sont proches de lui, les gens qu'il connaissait parmi ses proches et ainsi de suite. Et les historiens disent que ça a duré pendant 3 ans. Cette période secrète a duré pendant 3 ans à peu près. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala révèle le verset 94 dans Surat al-Hijr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Fasda' bima tu'mar, c'est-à-dire divulgue ce qui t'a été ordonné et appelle ouvertement. Donc, ça c'était donc la première étape de la da'wah. C'était parmi les étapes de la da'wah à Makkah, la période où il faisait la da'wa en secret. Et ça a duré 3 ans. Al-marhalatu thaniya wa hiya al-jahru bid-da'wati was-sad'u bi-bayan ad-din alladhi arsalahu Allahu bihi wa annahu ikhlasu al-ibadati lillahi wahdahu wa khal'u al-awthan wa hadhihi amda fiha 10 sinin. Donc le cheikh dit la deuxième étape dans la da'wa à Mecca, c'était la période de l'appel ouvert et l'appel ouvertement et divulgué le message en clarifiant la religion que Allah lui a envoyée et en expliquant la sincérité dans l'adoration d'Allah seul et le fait de se détacher complètement des idoles. Et il est resté 10 ans dans cette da'wa, 10 ans dans cette da'wa à Mecca. Il dit فتكون الفترة المكية ثلاثة عشرة سنة والفترة المدنية 10 سنين. هذه المراحل التي مرت بها دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فاشتركت الفترتان في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، واختصت المدنية ببيان الشرائع العملية كالزكاة والصيام والحج، وأما الصلاة فقد فرضت في الفترة المكية. Donc le cheikh dit la deuxième étape, c'est la, comme on l'a dit, c'est la période où il a commencé à appeler ouvertement à l'islam, et cette période comme on l'a dit elle a duré 10 ans, et donc la période totale de la da'wa à Mecca est de 13 ans, et la période de Médine est de 10 ans. Et pendant ces périodes par lesquels le messager sallallahu alayhi wa sallam a fait sa da'wa et les étapes qu'il a traversées pendant ces années-là, eh bien il y a les deux périodes de la Mecque et de Médine dans lesquelles il a averti contre le shirk et il a appelé au tawhid. Et la particularité de la période de Médine, c'est que dans cette période-là, il y a eu la clarification des rites et des règles pratiques de la religion, les règles de la zakat, les règles du jeûne et du hajj. Tandis que les règles de la salat, elles avaient été déjà légiférées depuis la période de la Mecque. Hein, c'est la première obligation qui a été révélée après le tawhid. Et le shaykh il dit ensuite, « وقال المصنف رحمه الله ومعنى قم فأنذر يعني ينذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وطيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك. Donc le Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab il fait le tafsir donc de Surat al-Muddathir et il dit que quand Allah dit قم فأنذر, ça signifie avertis contre le shirk, lève-toi et avertis contre le shirk, et appelle au tawhid. Wa rabbaka fakabbir, et ton Seigneur, yani exalte-le, c'est-à-dire exalte-le par le tawhid, par l'unicité d'Allah, et yani le fait de n'adorer que lui. Wa rabbaka wa thiyabaka fatahhir, et tes vêtements purifie-les. Et le cheikh dit, c'est-à-dire purifie tes œuvres du shirk. Ça veut dire de, en réalité de purifier les œuvres du shirk. Le cheikh dit وهذا احد القولين للمفسرين ولكن الصحيح اي طهر ثيابك من النجاسات. يقول بعض المفسرين ان من عادة العرب جر ثيابهم وهذا ما يعرضها الى النجاسات. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على تطهير ثيابه ومقتضى ذلك أنه يقصر ثيابه لأن العرب كانوا يبالون بهذه الأمور. Donc le cheikh il dit que وثيابك فطهر, tes vêtements purifie-les. Le cheikh il dit ça veut dire de purifier tes actions du shirk. Et il dit que ça c'est une des opinions parmi les opinions des savants de tafsir. Il dit toutefois, l'opinion correcte, ça, c'est que ça signifie « et purifie tes vêtements des impuretés ». Et une autre parole parmi les mufassirin, c'est que il disait que les Arabes avaient l'habitude de laisser traîner leurs vêtements par terre quand ils marchaient. Et ce qui fait que ça touchait parfois les impuretés. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné de préserver ses vêtements de l'impureté et de les purifier, et ce qui implique également de les raccourcir, car les Arabes donnaient de l'importance à ce genre de choses. Wa qala al-musannif rahimahullah war-rujz fahjur war-rujz yani ar-rujz al-asnam wa hajruha tarkuha wal-bara'atu minha wa ahliha. Également ensuite la suite du verset war-rujz fahjur. Donc il dit que Ar-Rujz c'est les idoles, et Hajruha c'est de les délaisser, de les abandonner, hein, et de se désavouer d'elles et de ceux qui les adorent. Donc de délaisser les idoles et de se désavouer des idoles et de se désavouer de ceux qui les adorent. هذه قاعدة عظيمة فإنه لا يكفي إخلاص الدين لله بل لا بد أن يجتمع معه البراءة من الشرك وأهل الشرك. والبراءة هي البغض والتنكر للشرك وأهله. Donc le cheikh dit ça c'est une règle importante, hein, une grande règle, que il n'est pas suffisant de purifier notre religion pour Allah seul, mais plutôt il faut également rallier à ça le fait de se désavouer du shirk et des gens qui font le shirk. Et de se désavouer, c'est de les détester, hein, et de condamner ce qu'ils font comme shirk, hein, et de condamner leur shirk et les gens qui le font. Donc ça c'est la signification de yani al-bara'a. Et le cheikh il explique ensuite, il dit وقال المصنف رحمه الله أخذ على هذا عشر سنين أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. Donc le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté pendant 10 ans à appeler au tawhid, hein? Et après ces 10 années, Allah l'a élevé dans les cieux, il a fait l'ascension, hein, dans Al-Isra et Al-Mi'raj, et c'est là que lui ont été légiférés et ordonnés, hein, les 5 prières obligatoires par jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc prié la prière obligatoire à la Mecque pendant 3 années. Hein? Et ensuite, Allah lui a ordonné de faire la hijra à Médine. Le cheikh Ubayd, il explique ce point-là. Il dit, والمعراج ثابت بالسنة والإسراء ثابت بالكتاب والسنة وكلاهما بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم وفي اليقظة لا في المنام وما جاء من النصوص مما يوهم أنه بالمنام فذلك غلط من بعض الرواة وهذه خصيصة له صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh dit l'ascension, hein, vers le prophète, vers Allah subhanahu wa ta'ala, l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Allah, hein, au plus haut des cieux, ça s'est établi par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les hadiths authentiques, de même que l'Isra, le voyage nocturne de la Mecque jusqu'à Médine, jusqu'à Bayt al-Maqdis, de la Mecque jusqu'à Bayt al-Maqdis. Ça, c'est également établi par le Coran et par la Sunna. Il y a même une surah dans le Coran qui s'appelle Surah al-Isra. Hein? Subhanalladhi asra bi'abdihi. Hein? Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Donc al-Isra, ça veut dire le voyage nocturne, hein? Et al-Mi'raj, c'est l'ascension, et ça c'est établi comme on a dit, le Mi'raj dans la Sunna et al-Isra dans le Coran et dans la Sunna, et les deux ont eu lieu avec le corps et l'âme, les deux ensemble. C'était pas seulement avec son âme, comme certains le prétendent, mais c'était avec son âme et son corps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce voyage et cette ascension. Et c'était pendant l'éveil et non pendant le sommeil. C'est-à-dire que c'était pas en rêve, comme certaines personnes prétendent. Et cela a été établi dans les textes du Coran et de la Sunna, et tout ce qui peut exister comme texte qui peut donner l'impression que c'était dans un rêve ou pendant le sommeil, ça c'est une erreur de la part des narrateurs, et il dit que ça fait partie des caractéristiques particulières du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, حتى الساعة لا نعلم أن نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عرج إلى السماء كما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم أي عرج به العروج الذي جاوز فيه سدرة المنتهى. نعم رفع الله جماعة من الأنبياء إليه منهم عيسى وهذا مرفوع وهو حي وسينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل المسيح الدجال يقتل المسيح الدجال وموسى قبله آدم وموسى وقبله آدم قبله آدم وإبراهيم وكذلك هارون بعد موسى ويحيى هؤلاء رفعوا إلى السماء ولكن الظاهر أنه بعد موتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم في السماء. الشيخ الزي que jusqu'à maintenant on n'a pas connu qu'un autre prophète parmi les prophètes a été élevé aux cieux de la manière que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été élevé aux cieux, c'est-à-dire qu'il a dépassé même un endroit qu'on appelle Sidratil Muntaha, hein, le lotus de la limite, ou bien l'arbre de la limite, qui est le point le plus éloigné, le plus élevé que quelqu'un peut atteindre parmi les créatures. Et même à ce point-là, même Jibril, il a dit, à partir d'ici, moi, je ne peux plus te suivre. Je ne peux pas avancer. Hein? Naam. Et Allah l'a élevé. Allah a élevé un groupe d'entre les prophètes, hein, vers lui, vers les cieux, comme Moïsa, alayhi salam. Alors, Allah l'a élevé alors qu'il est vivant. Et il va descendre à la fin des temps. Et il va juger par la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il va tuer le Dajjal, le faux messie. Hein? Tandis que Moussa alayhi salam, de même que Adam et Ibrahim et Haroun et Moussa après, et Haroun après Moussa, ceux-là ont été élevés aux cieux, mais qu'est-ce qui est apparent, c'est que c'était après leur mort, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rencontrés dans les cieux. Hein, lorsqu'il montait dans les cieux, il les a rencontrés à chaque différent niveau des cieux. Il rencontrait des prophètes différents. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et puis on va continuer la suite de ça vendredi prochain, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.